Chapitre 6. Le mystère de l'avenue du bois. Un mois plus tôt, il n'eût pas été facile de surveiller l'hôtel que M. Jean Marais y habitait, avenue du Bois de Boulogne. Ce n'était qu'un jeu en cette fin d'avril où les bosquets qui bordent la voie triomphale venaient de revêtir leur luxuriant feuillage. Aubry avait repéré un épais massif verdoyant situé juste en face de la grille d'entrée. Lionel de Praz devait le rejoindre à 10 heures du soir dans les profondeurs obscures de ce poste d'observation naturel. Ils n'eurent aucune peine à s'y glisser sans être vus. Bien qu'il fît clair, grâce aux candélabres électriques, la solitude de ces parages rendait l'opération toute simple. Des automobiles passaient rapidement, de temps en temps, sur la chaussée principale. Mais la petite avenue latérale, qui s'allonge entre les maisons et la ligne des bosquets, était déserte. « Quel métier !» murmura Lionel. Aubry, sans lui répondre, mit un doigt sur sa bouche. Et leur faction commença. L'hôtel avait 3 étages. Il était silencieux et les fenêtres s'en montraient ténébreuses, à l'exception de 2 qui donnaient non pas sur l'avenue, mais sur le jardin. On voyait, en effet, au-delà de la grille, de belles ramures monter vers le ciel et, parmi les branches, de petites raies de lumière décelaient, dans l'ombre de la façade, une chambre éclairée derrière des persiennes closes. Cette chambre, c'était le cabinet de travail de Jean Mareuil. Lionel et Aubry le savaient, et ils s'en désintéressaient, n'étant pas venus là pour épier Jean Mareuil, mais très précisément pour savoir si quelqu'un, une femme, ne profitait pas de la nuit pour s'introduire dans l'hôtel, de concert avec le jeune homme, bien qu'il fût, à peu de choses près, le fiancé de Gilberte. Lionel, tout en suivant des yeux les très rares passants qui, de loin en loin, déambulaient dans un sens ou dans l'autre, ne pouvait s'empêcher de railler et de condamner l'idée de sa mère. Plus que jamais, maintenant qu'il était là, posté derrière un rideau de feuillage, en face de cet hôtel muet et paisible, de ses traits lumineux, indice d'un labeur régulier, plus que jamais il considérait la méfiance de Madame de Praz comme le produit d'une imagination excessive, dont, au surplus, elle lui avait donné, le jour même, une preuve nouvelle. En somme, est-ce qu'il n'était pas ridicule d'être ici, à faire le policier en compagnie d'un concierge, pour surprendre quelqu'un qui ne viendrait pas, qui n'existait pas? Et peu à peu, Lionel sentait sa mauvaise humeur s'aigrir en irritation. « Va pour une fois, pensa-t-il, mais on ne m'y reprendra plus. » L'heure s'écoulait. Il faisait si calme qu'on entendait, de quart d'heure en quart d'heure, une horloge tintée à l'intérieur de l'hôtel. Elle sonna 11 coups. « Ah, seulement !» murmura Lionel en bâillant. Les passants se raréfiaient encore. Les voitures ne filaient plus que vers Paris, une à une. On sentait, pour ainsi dire, le Bois de Boulogne allonger furtivement, à la lueur de l'ombre, le mystère de sa solitude et son âme sylvestre gagnée, le bosquet en bosquet, les abords de l'étoile, la frontière de la ville. Des chats rôdaient, tantôt plus discrets que des fantômes quadrupèdes, tantôt hurlants comme des marmots torturés. Lionel, excédé d'ennui, recrut de colère, s'étendit sur le sol. Aubry lui toucha l'épaule et fit un signe. Personne n'arrivait cependant, ni d'un côté, ni de l'autre. « Quoi ? » chuchota Lionel. Il distingua la tête d'Aubry penchée au dehors, prêtant l'oreille. Et il écouta lui aussi. L'horloge sonna la demi de 11 heures. Un matou gonfla sa clameur déchirante. Sans bruit, la petite porte métallique s'ouvrit lentement dans la grille de l'hôtel qu'une tôle doublait jusqu'à mi-hauteur. Un homme, plus silencieux qu'une ombre sur un mur, apparut. Cet homme referma la porte avec des précautions insolites, dans le but évident d'étouffer le moindre cliquetis. Il avait une clé ou un rossignol qu'il mit dans sa poche en se retournant d'une manière circonspecte, louche et, pour tout dire, sournoise. Il jeta des regards prompts autour de lui, écouta et, rasant les murs, sans qu'on entendît le bruit de ses pas, s'éloigna vers la droite, c'est-à-dire vers la rue Spontini. Lionel et Aubry purent le voir à leur aise. Il était coiffé d'une casquette enfoncée jusqu'aux yeux. Le col de sa veste était relevé. On ne distinguait de sa figure qu'une bande d'ombre incertaine. Il n'avait pas de pardessus. Il marchait en chaloupant, les épaules hautes, les coudes au corps, les mains profondément enfouies dans les poches de son pantalon. Ses pieds nonchalants étaient chaussés d'espadrilles. Il allait, peinard, félin, comme un chat nocturne. On devinait en lui l'homme aux pieds de velours qu'un bond rapide lance soudainement dans une course fulgurante ou qui disparaît tout à coup, mêlé aux ténèbres, assimilé comme par miracle à la couleur des choses, aux formes de la nuit. À coup sûr, ce n'était pas un domestique, mais un triste sire, étranger au personnel de la maison. Tout, dans sa démarche, dans sa mise, en faisait foi. Une même pensée vint à Lionel et à Aubry. Cet apache venait de commettre quelques vols dans l'hôtel de Jean Mareuil. Lionel hésitait sur la conduite à tenir, se demandant s'il fallait laisser le malandrin s'en aller impunément, lorsque, très vaguement, il crut s'apercevoir que cette allure, ou cette silhouette, ou peut-être notre caractère attaché à ce personnage patibulaire, ne lui était pas tout à fait inconnu. Alors, sans aucune transition, il pensa que le prétendu cambrioleur pouvait être une espèce de serviteur clandestin à la solde de Jean Mareuil, un de ces agents qu'on recrute dans la pègre pour des besognes secrètes. Pourquoi Jean Mareuil n'aurait-il pas eu, lui aussi, son Aubry ? Mais, à ce moment, Aubry lui-même, approchant sa bouche contre l'oreille de son noble compagnon, lui chuchota « Il faut suivre ce type-là, monsieur le comte. Je m'en charge. Restez ici à surveiller l'hôtel. Je viendrai vous retrouver tout à l'heure et je vous rendrai compte. » « Allez !» dit Lionel. Cependant, l'homme, parvenu au coin de la rue Spontini, traversait l'avenue déserte, se dirigeant vers la rue Pergolèse. Aubry se défila dans l'ombre des arbres. Lionel le perdit de vue, mais pour l'apercevoir bientôt, qui traversait à son tour la vaste chaussée. Un calme imposant baignait le quartier. L'hôtel était tranquille. Les deux fenêtres du cabinet de travail projetaient sur les frondaisons une faible lueur paisible. Lionel, à part lui, compara sa situation avec celle de Jean Mareuil, douillettement installé devant ses livres, à ressusciter les dandys d'outre-Manche. Et il fit un geste d'impatience qui arrêta net, accroupi sur ses quatre pattes, un superbe siamois dont les yeux luirent. Après une demi-heure d'attente, Lionel perçut l'approche d'un être humain foulant le gazon. C'était Aubry. « Chou blanc, dit-il, j'ai perdu mon bonhomme. Il n'y avait plus personne de l'autre côté de l'avenue. J'ai cherché au hasard. C'est embêtant. »« Qu'est-ce que vous pensez ? » murmura Lionel. « Un voleur ? Ou bien... »« Qui sait ? Un assassin, peut-être. Il a une sale dégaine, monsieur le comte. » Lionel se tut. Une inquiétude le tenait. Il préféra ne pas l'exprimer par amour-propre. Cette escarpe, qui venait de s'esquiver, ne portait nul fardeau. S'il avait dérobé quelque chose, ce ne pouvait être qu'un objet facilement dissimulable. Il est bien vrai que des billets de banque ou des pierres précieuses tiennent peu de place et que des gens peuvent avoir sur eux des centaines de mille francs sans que cela se voie. Mais que l'homme eût volé ou non, cela n'avait rien à faire avec ce qui s'était passé dans l'hôtel pendant qu'il s'y trouvait. Si, le lendemain matin, on découvrait le cadavre de Jean Mareuil, si, présentement, loin d'être assis confortablement dans son cabinet, Jean Mareuil gisait, assassiné par un malfaiteur inconnu, est-ce qu'il ne deviendrait pas dangereux pour Lionel de Prades d'avoir passé des heures embusqué dans un massif devant l'hôtel, comme pour attendre le moment opportun d'y pénétrer ? La terre molle, dépourvue de gazon, la terre qu'il piétinait ainsi qu'Aubry, ne révélerait-elle pas sa longue présence ? Ne retrouverait-on pas aisément les souliers qui auraient imprimé sous ces arbres la trace de leurs semelles ? « Bah ! » se dit-il, « que vais-je chercher là ? » Mais, tâtant ses vêtements, il s'assura que rien n'était tombé de ses poches, qui pût mettre un détective sur sa piste, et il se promit d'arranger la place avant de la quitter. Puis le temps passa, mesuré par l'horloge qui sonnait les heures à l'étouffer. Et personne ne vint mystérieusement, comme il l'avait espéré, charmer la veillée laborieuse de Jean Mareuil. À 4 heures du matin, moroses et transis, ils se disposaient à lever le siège quand ils entendirent au loin un chien aboyer. Les aboiements se rapprochèrent pendant quelques minutes, agressifs, coléreux, puis cessèrent. « Attendons un peu, » conseilla Aubry. Ils attendirent et bientôt distinguèrent, le long des bâtiments, venant de la droite, une ombre en marche. La clarté réduite des lampadaires leur permit sans retard de reconnaître le rôdeur qu'ils avaient vu sortir de l'hôtel à 11h30 du soir. « Tiens, tiens, tiens !» susurra Aubry. Mais maintenant, l'homme venait vers eux. Il ne leur tournait plus le dos et, confiant dans l'heure matinale où tout Paris dormait, il n'enfouissait plus son visage entre sa visière et son collet. Et il approchait, grandissait à chaque pas, avec son mouvement onduleux qui ne manquait pas d'une certaine grâce canaille. À travers les feuilles, deux paires d'yeux braqués guettaient intensément la seconde précise où ses traits seraient visibles. Cette seconde arriva. On peut dire qu'à leur stupéfaction profonde, Lionel et Aubry reconnurent le visage, mais que cette stupéfaction prit tout de suite une ampleur inouïe, car s'ils reconnaissaient le visage, ils ne reconnaissaient pas la physionomie. Cet homme était Jean Mareuil, on ne pouvait s'y tromper, mais un Jean Mareuil au regard fuyant, à l'expression crapuleuse, un Jean Mareuil qu'une autre lumière intérieure éclairait d'un jour faux. Lionel avait saisi lentement le bras d'Aubry. Ils assistèrent à la rentrée furtive de l'être extraordinaire. Ils le virent faire jouer sans bruit le battant de la porte, enjamber précautionneusement la barre du seuil, s'éclipser. « Ça, par exemple !» fit Aubry. Toutefois, dans la nuit qui commençait à pâlir, les deux fenêtres imperturbables montraient toujours leur strie lumineuse. L'une de ces fenêtres s'ouvrit, les persiennes claquèrent dans un choc métallique et sur le balcon de pierre parut la Parche. Il ne fit qu'une courte apparition et rentra en enlevant sa veste. Il reparut ensuite, fumant toujours, mais vêtu d'une robe de chambre des plus élégantes qui moulait ses formes élancées. Il s'adossa contre une persienne ouverte, les yeux levés vers les étoiles. Il tenait sa cigarette avec une distinction de clubman et dans son fin profil qu'une nappe de lumière chaude mettait en valeur, rien ne subsistait plus des laideurs effacées. Jean Mareuil était redevenu Jean Mareuil. Il se retira. Tout s'éteignit. Le comte de Praz et son acolyte sortirent de leur cachette. Et quand ils furent à quelque distance, encore abasourdis de ce qu'ils avaient découvert, « Qu'est-ce que cela veut dire, monsieur le comte ?» dit Aubry en s'arrêtant. « C'est bien simple, » répondit Lionel avec un mauvais sourire de jubilation. « Simple ? Eh oui, très simple, très connu. Ça s'appelle un dédoublement de la personnalité. »« Ah ? » fit Aubry.